Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 111. De l'action des anges sur les hommes. Action des anges sur l'intelligence, sur la volonté, sur l'imagination, sur les sens. 1. Les anges peuvent-ils éclairer l'homme? D'après l'ordre établi par la divine providence, les êtres inférieurs sont soumis à l'action des êtres supérieurs, de même que les anges inférieurs sont éclairés par les anges supérieurs, de même les hommes le sont par les anges. Dans ce but, il nous propose la vérité sous des images sensibles, car, selon la remarque de saint Denis, les rayons de la lumière divine ne peuvent briller à notre esprit qu'à travers une multitude de voiles sacrés. L'intelligence humaine, en outre, est fortifiée par l'action de l'intelligence angélique. Sous ce double rapport, les anges éclairent l'homme. Note. Les anges éclairent les hommes sur les vérités à croire et sur les choses à faire. Cette illumination se produit à notre insu. Fin de la note. 2. Les anges peuvent-ils faire changer la volonté de l'homme? Il n'y a que Dieu qui change efficacement la volonté humaine. Le cœur des rois, dit la Sainte Écriture, est dans la main du Seigneur, qui le tourne comme il veut. Proverbe 21:1. Rien de plus légitime que cet empire de Dieu sur une faculté dont il est lui-même le principe et l'objet. L'ange et l'homme n'ont pas un pareil pouvoir, ils ne peuvent mouvoir notre volonté que par voie de conseil, mais, les hommes se laissant souvent entraîner par les passions de l'appétit sensitif, les anges, qui ont le pouvoir d'exciter ces passions, meuvent, par ce moyen, notre volonté, bien que ce ne soit pas avec nécessité. L'homme est libre de consentir ou de résister à une passion. Note. Les mauvais anges s'efforcent par la persuasion ou l'excitation des passions de nous porter à des pensées mauvaises ou à des actes criminels. Les bons anges, au contraire, cherchent à détruire nos vices et à nous enflammer d'ardeur pour la vertu. C'est par leur ministère que Dieu nous envoie les bonnes pensées. Fin de la note. 3. Les anges peuvent-ils modifier l'imagination de l'homme? Les anges, bons ou mauvais, peuvent, par leur puissance naturelle, modifier l'imagination des hommes. Ne voit-on pas, par celui qui apparut à saint Joseph, que les bons révèlent certaines choses pendant le sommeil? Nous disions plus haut que tous ont la puissance naturelle de mouvoir les corps. On a pu en conclure que tout ce qui est l'effet d'un mouvement local est sous leur puissance naturelle. Or, les apparitions imaginaires sont souvent causées en nous par le changement local des esprits vitaux et des humeurs. C'est de là que viennent les rêves et les visions chez ceux qui dorment. L'ébranlement des esprits et des humeurs peut être tellement puissant, que des apparitions aient lieu même pendant la veille, comme cela se voit dans les frénétiques et autres. De telles perturbations des humeurs pouvant être causées par les anges bons ou mauvais, soit avec aliénation des sens, soit sans aliénation, il en résulte que les anges ont la puissance de modifier l'imagination de l'homme. 4. Les anges peuvent-ils modifier les sens de l'homme? Les sodomites, frappés d'aveuglement par les anges qui détruisirent leur ville, sont une preuve du pouvoir des anges sur les sens de l'homme. Les anges peuvent, effectivement, par leur vertu naturelle, modifier nos sens de deux manières. D'abord, en les affectant à l'aide des corps qu'ils prennent, ensuite, en troublant intérieurement les humeurs et les esprits vitaux. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR.